chercher la bagarre. Regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z, la 593e émission sur Érigé. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une émission spéciale sur la réédition de l'album Rock'n'Roll Attitude qui fête ses 40 ans. Cet album est délivré par Universal Music et Pantheon. Je serai accompagné par deux spécialistes sur Johnny Hallyday, Jean-François Chenu et Thibaut Geffrotin. Bonjour Jean-François. Salut Eric et bonjour à tous tes auditeurs. Nombreux, de plus en plus nombreux d'ailleurs. Bonjour Thibaut. Bonjour Eric, et bonjour à tous. Salut Thibaut. Je suis très heureux de vous accueillir dans l'émission Johnny de A à Z pour parler de cette nouvelle édition de Rock'n'Roll Attitude. Nous allons vous parler de cet album, des contenus de la nouvelle édition des 40 ans, avec également quelques documents sur la promotion de cet album en 1985 et en 1986. Il faut savoir que 1985, dans l'industrie du disque et de la télévision, est un tournant majeur où le PAF, le paysage audiovisuel français, connaît une évolution rapide, s'ouvre, se privatise et devient plus diversifié. Les radios libres redéfinissent la programmation musicale, les maisons de disques investissent massivement dans les clips et le clip devient indispensable pour qu'un titre fonctionne. Le public français adopte des influences venues du monde entier tout en gagnant une forte identité variété rock nationale. Johnny Hallyday bénéficie très fortement de l'évolution du PAF et de la culture musicale en 1985 et même à plusieurs niveaux. C'est une année charnière pour lui dans un paysage médiatique qui change en sa faveur. Voici pourquoi. Dès le début des années 80, Johnny comprend l'importance du clip. En 1985, avec l'explosion de l'esthétique clip MTV, il modernise son image. Clip plus travaillé, esthétique plus américaine, attitude rock moderne, présence visuelle qui correspond parfaitement à la nouvelle culture audiovisuelle. Pour un artiste déjà très charismatique sur scène, c'est un terrain idéal. En 1985, le PAF se diversifie. Plus d'émissions, plus de chaînes, plus de liberté. Conséquence pour Johnny, plus d'apparitions TV possibles, des formats plus modernes où il s'intègre très bien, et une présence renforcée auprès du public jeune. À cette période, il apparaît dans des émissions populaires, dans des formats plus dynamiques que ceux des années 70. Les nouvelles radios, Énergie, Kiss FM puis Fun Radio, diffusent plus de rock, de pop et des artistes plus variés. Même si elles sont plutôt tournées vers la jeunesse et la pop internationale, Johnny réussit à s'y faire une place grâce à sa capacité à moderniser son son. Son album de 1985, Rock'n'Roll Attitude, produit par Michel Berger, est un moment clé. Son plus moderne, texte plus sensible, gros succès radio, et Johnny touche une nouvelle génération. La nouvelle culture musicale des années 80 lui profite directement. En 1985, la France adopte le rock FM, les sons américains, les grosses productions et une culture stadium rock. Johnny, qui a toujours eu une approche américaine de la musique et du show, est parfaitement en phase avec cette évolution. Il devient même un des seuls artistes français capables de rivaliser en spectacle avec les standards américains. En conclusion, Johnny renaît grâce à cette évolution du PAF et de la culture musicale qui améliore son exposition, modernise son image, renouvelle son public et correspond parfaitement à son style. Johnny n'a pas seulement bénéficié du changement, il a su l'utiliser pour redevenir la figure centrale du rock français. Et sa collaboration avec Michel Berger est un nouveau point de départ. Commençons par écouter Johnny Hallyday sur sa proposition de collaboration avec Michel Berger. Quand j'ai demandé à Michel de collaborer avec moi sur ce disque, il était venu me voir au Zénith. Et nous avons dîné ensemble. Et puis il a dit, oui, c'est intéressant, faisons un disque ensemble. Il me dit, laisse-moi 3 jours pour réfléchir. Il n'était pas sûr de pouvoir le faire non plus. Et puis il est rentré chez lui et le lendemain, il m'appelle pour me dire, j'étais écrit ta première chanson. Et c'était Le Chanteur Abandonné. C'est-à-dire que quand il est venu me voir au Zénith, bon, il est venu me voir dans ma loge après spectacle, ensuite nous avons dîné ensemble, et ce qu'il a ressenti dans ma loge, ce qu'il a ressenti dans les coulisses du Zénith, ce qu'il a ressenti dans le dîner sans doute que nous avons eu ensemble après, il a ressenti le besoin d'écrire Le Chanteur Abandonné. C'est-à-dire que c'est pas un chanteur qui est abandonné, mais c'est tous ces flashbacks, cette nostalgie que peut représenter quelqu'un de connu quand il se retrouve tout seul dans une loge après un spectacle, après avoir été devant 5 ou 6 000 personnes, il se retrouve tout seul. Dans sa loge, avec des photos, avec des bouquets de fleurs d'admiratrices ou de gens comme ça. Et puis finalement, les chanteurs sont des gens très entourés, mais assez seuls. Et ça fait le vide dans sa tête. Oui, ça fait le vide dans son cœur. Est un chanteur abandonné qui a vécu sans se retourner. Jure que le blues est inventé pour lui cette nuit. Lorsqu'il a su s'abandonner à ceux qui ont voulu l'aimer, il a donné ce qu'il avait, mais lui, il se demande qui il est. Abandonné, oui, abandonné, tant pis s'il faut payer d'avoir toujours donné. Le Chanteur Abandonné est le premier single issu de l'album Rock'n'Roll Attitude, album qui sortira le 26 juin 1985. Johnny en fera la promotion sur les plateaux de télévision comme Champs-Élysées le 1er juin 1985. Merci. Salut Johnny. Bonsoir, ça va? Ce soir, c'est le grand retour du chanteur. La dernière fois, c'était l'acteur. Pas abandonné. Pas abandonné. Et bien justement, on va venir à cette chanson Chanteur Abandonné. D'abord, il faut que vous sachiez que l'album que Johnny vient de sortir est un album particulier. Lui, il m'a dit dans la coulisse après-midi qu'objectivement, il pensait que c'était peut-être le meilleur album qu'il a fait depuis très longtemps. Je le crois, enfin j'espère que l'avis du public sera partagé, mais en tout cas c'est un de ceux que j'ai préféré faire de toute ma carrière, je pense. Alors, à la fin de l'émission, nous allons accueillir Michel Berger, qui est un petit peu à l'origine de cet album. C'est lui qui a écrit une dizaine de chansons pour Johnny. Alors, Johnny est venu chanter, mais je voudrais qu'on puisse parler un petit peu avec lui. Alors, c'est la naissance d'une chanson qui commence déjà à descendre dans la rue, et c'est, je dirais pas la naissance d'une deuxième carrière, mais en tout cas, un virage en ce qui concerne le répertoire. Hein. Michel Berger est un auteur que Johnny n'aurait peut-être pas chanté il y a 10 ans. Si, pourquoi pas, non, mais enfin, ça devait pas se faire sans doute il y a 10 ans, ça devait se faire maintenant. Je crois que les choses viennent toujours au moment où il faut qu'elles viennent, et puis bon, ben, c'est une expérience que je suis loin de regretter, en tout cas, parce que travailler avec Michel Berger, c'est un bonheur, c'est un producteur formidable. On va le retrouver tout à l'heure, Michel, et on va écouter d'autres chansons. Alors maintenant, messieurs, Parlons de cette nouvelle édition, les 40 ans de l'album Rock'n'Roll Attitude et le contexte de la sortie de cet album en 1985. Les 40 ans de la rencontre avec Michel Berger, c'est pour la maison de disques. Mmh. Encore une fois, il faut voir à l'intérieur de la maison de disques. C'est un moment essentiel parce que ça, c'est un moment où ça n'allait pas bien, où il tournait en rond. Et où la lumière a jailli et ça lui a permis de repartir vers d'autres choses. Mmh. Alors c'est vrai que les gens qui sont amoureux de Johnny Rock'n'Roll et tout ne se sont pas retrouvés dans Berger et Goldman, mais il faut savoir vivre avec son temps et on est à une époque totalement charnière parce qu'il ne faut pas oublier une chose, en 85 quand l'album sort, ça fait 6 mois qu'il y a une nouvelle chaîne de télévision qui a tout révolutionné en France, qui s'appelle Canal+. Et qui va considérablement modifier l'industrie musicale. Et donc, s'il n'épouse pas ce mouvement à ce moment-là, qu'est-ce qui va devenir ? Il y a une génération de chanteurs qui est en train d'exploser. C'est Goldman, c'est Jeanne Masse, c'est Balavoine, c'est évidemment Michel Berger, qui sont des gens qui s'apprennent de la culture anglo-saxonne et qui ont des textes assez remarquables et qui cartonnent auprès du public. Donc, il était très fort, Johnny, c'est qu'il a parfaitement compris tout ça. Et aidé, guidé dans son choix par Nathalie Baye, à l'époque, de travailler avec Berger, ben, il va faire le bon choix. Mmh. Et de là va naître un album, va naître un spectacle formidable à Bercy, une amitié. Et partir sur des. Après Goldman, après Étienne Rodagil, etc. Donc, Canal+, ça a changé beaucoup de choses. Parce qu'avec le top 50. D'abord, c'est la réalité des ventes. Et là, on voit beaucoup d'artistes disparaître. Et pour exister dans le top 50, ben, il faut avoir des titres qui marchent, qui intéressent le grand public. Et puis, c'est l'arrivée de l'image en force. Et donc, le clip devient un élément essentiel du succès d'une chanson. Et Tennessee, la chanson est magnifique. Et le clip est peut-être son plus beau clip, hein, ou en tout cas un des plus beaux clips. Et ça, les deux réunis, ben, fait que ça a plu à beaucoup de gens. À l'époque, je bossais à Canal, je l'ai vu souvent venir à Canal dans des émissions où il y avait du public et où il y avait un engouement autour de ça. Et je me souviens avoir posé la question à Camus, je lui ai dit, mais après Berger, il va faire avec qui il va enregistrer son prochain disque ? Mon cher monsieur, me redit-il, vous savez, il vend tellement avec Tennessee que le prochain disque, on a le temps d'y penser. Alors qu'il a enchaîné à l'époque, en 1985, même 84, déjà, ça commence en 84, sur les tournages avec Godard, avec lui, il y avait le Zénith à préparer. Alors, et en 85, il a Costa Gavras, il tourne avec. Oui, il y a Costa Gavras, et après, il y a Terminus en 86. Il y a Terminus en 86, ouais. Parce qu'il y a toujours. Il revient au cinéma à ce moment-là. Voilà, aussi. Et les films sont toujours tournés un an avant la sortie, quoi. Et donc, il faut se dire qu'il a un programme hyper chargé. D'ailleurs, il ne fait pas de tournée en 86. Il chante pas. Non. Il chante pas. En 85, à la fête de l'Huma, enfin, il y a quelques concerts, mais il n'y a pas grand-chose. C'est en 87 qu'il va revenir avec Bercy et une méga tournée derrière. Donc, oui, bien sûr. Puis le cinéma, malheureusement pour lui, ça s'est arrêté à nouveau. Parce qu'il avait envie, évidemment, de faire plus de cinéma, mais avec Terminus qui a un flop monumental. Voilà. Et qui a mis fin. Il était sur une bonne lancée, détective, ouais. Conseil de famille, et là, Terminus. Mais heureusement, quand il y a le flop de Terminus, il y a le succès de Gang, qui leur amène, évidemment, à autre chose. Mais à l'époque, à Canal, c'est pas l'objet, parce qu'on parle de Rock'n'Roll Attitude, mais quand Gang est sorti, Denisot, qui était un des animateurs phares de Canal, a été un des premiers à entendre l'album, et ils étaient fous de cet album. Et Johnny était chez lui à Canal. Et quand il voulait, les gens l'adoraient. Et c'était une époque formidable. Retrouvons justement Johnny lors de la soirée d'inauguration de Canal+, le 4 novembre 1984. Johnny, écoute, si tu dois rien à personne, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui te doivent quelque chose. Enfin, on n'est pas là pour passer des fleurs. Je te remercie beaucoup d'avoir fait l'effort de venir parce qu'en fait, tu devrais être sur scène depuis une demi-heure. Oui, je crois que là, il y a mon cher public, je crois qu'ils doivent scander. Ils doivent pas être très contents parce que je suis pas encore sur scène alors que je devrais y être depuis une demi-heure. Je te remercie aussi d'être venu sans le point qui fait l'ouverture du show parce que je crois que l'entrée de Canal. Il est un peu encombrant pour venir avec moi. Comment ça se passe en ce moment ? Ça se passe très très bien. Je suis très content parce que bon, c'était un petit peu un pari pour moi de faire ça à Paris. Mais c'était un peu à Paris pour moi de faire ce spectacle. Et puis je crois que les gens sont contents et que les gens qui viennent nous voir seront ravis. Et le principal, c'est qu'ils repartent du spectacle en étant contents. Mmh. Alors tu sais que ton show a été tourné, enfin il va être tourné cette semaine, et qu'il sera diffusé sur Canal+ dès la fin du mois de janvier. Eh bien, c'est formidable. Hein, je pourrais enfin peut-être le voir. T'es abonné? Eh bien, écoute, justement, je voulais t'en parler. Je me suis abonné, j'étais un des premiers à envoyer le chèque, et j'ai toujours rien reçu. Est-ce que c'est normal? Ah, c'est pas moi qu'il faut dire ça. Enfin, voilà, le message est fait. Bon, bah écoute, sinon, je t'annonce que le rock est aussi à l'honneur sur Canal+, puisque moi, je m'occupe personnellement d'une émission qui sera quotidienne. Eh bien, on va se voir souvent, alors. J'espère qu'on va se voir souvent. Et puis, Nashville, un jour, peut-être. L'année prochaine, quand tu veux. Merci, Johnny. Ok, au revoir. Je ne sais pas si tes auditeurs peuvent imaginer, et même Thibaut, mais en 84, on a 3 chaînes de télévision. On a la 1, la 2 et la 3 qui sont des chaînes publiques avec des programmes totalement formatés, avec des speakerines qui rigolent en nous annonçant Denis Fabre, en nous annonçant le programme du soir, etc. Oui, c'est vrai. Et Canal, quand on ouvre son téléviseur, les gens qui se sont abonnés à Canal, il y a eu 186 000 foyers français qui se sont abonnés à Canal+, avant que la chaîne ne démarre. Et donc le 4 novembre 84, quand la chaîne démarre, on est un peu plus de 180 000 à pouvoir, on a un décodeur et allumé. Et là, tu vois quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce qui existe. Un habillage de chaîne révolutionnaire. C'est sorti de la préhistoire. Ah ouais, c'est ça, c'était la cool attitude. Là, c'était la cool attitude qu'on a vu. Et ils sont tellement innovés dans plein de domaines. Bon, maintenant, il y a 50 000 chaînes de télévision, mais à l'époque, cette quatrième chaîne, ça a été une révolution. Et le modèle économique de Canal+ était unique au monde. Ouais. Il y avait des chaînes payantes, 100%, mais une chaîne payante avec des tranches en clair, ça n'existait pas. Et donc, ils ont aussi apporté quelque chose de nouveau avec ça. Et c'était très malin, parce que les tranches en clair permettaient de faire la promotion des programmes cryptés. Et après les 6 premiers mois de Canal qui ont été très compliqués, la chaîne a décollé en même temps que Rock'n'Roll Attitude. Mm-hmm. C'est au même moment, à peu près, que la chaîne est repartie et s'est jamais arrêtée de grandir. Et au moment où sort Rock'n'Roll Attitude, qui a fait redécoller la carrière de Johnny. Johnny en live, Johnny répète à Bobigny en septembre 1985 pour ses 4 futurs concerts où il interprétera un large répertoire mêlant des titres de son nouvel album et du précédent show au Zénith. Au studio Tempo, à Montréal en 1985, lors des sessions d'enregistrement de cet album, Johnny se livre à une interview et parle de sa rencontre capitale avec Michel Berger. C'est certain que la rencontre de Michel Berger et de Johnny Hallyday est une rencontre de deux personnalités de la musique. Lui, par sa conception de la musique qui est propre à Michel Berger, et à France Gall. Et puis moi, la musique, disons, un peu plus hard rock que j'ai toujours fait. Alors, moi, ça m'intéressait de travailler avec Michel parce qu'il n'avait jamais écrit pour un autre garçon, pour un autre chanteur avant. Il a toujours écrit pour des femmes, à l'exception de lui-même. Et je crois que dans la musique, on a tous besoin, de temps en temps, de se donner comme ça un bol de fraîcheur et d'essayer de ne pas stagner dans ce qu'on a l'habitude de faire à chaque fois. Donc, pour moi, c'est une rencontre capitale, dans le sens que j'ai l'impression que Michel, dans ce disque-là, ayant composé des chansons pour moi, pour Johnny Hallyday, il n'a pas écrit du berger traditionnel. Et donc, il a fait quand même il s'est mis un peu plus vers moi pour écrire. Et moi, je me suis mis un peu plus vers lui. Donc, ça donne une rencontre avec... Il y a la base du rock'n'roll. Vous serez surpris d'entendre des chansons de Michel Berger, signées Michel Berger, qui sont du pur traditionnel rock'n'roll. Mais disons qu'il a réussi quelque chose qui n'est pas toujours facile à réussir dans le rock'n'roll, c'est-à-dire que dans le rock'n'roll, les textes des chansons sont toujours difficiles à écrire pour qu'elles soient intéressantes. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi les paroles sont difficiles à écrire sur du rock'n'roll. Sans doute à cause de la musique, à cause du rythme et à cause de la consonance. Parce que dans le rock'n'roll, ce qui est primordial, c'est une contenance. Une consonance, c'est une musique américaine et on a l'habitude de l'entendre avec une consonance américaine. Donc quand on met des mots français dessus, des fois ça tourne à autre chose que le traditionnel rock'n'roll. Alors il fallait garder cette espèce de son. Le son qu'on a l'habitude d'entendre, auquel nous sommes tous habitués. Je crois que Michel est bien arrivé en construisant des textes intéressants qui sortent de l'ordinaire. Et pas « Chérie, tu m'as quitté », etc. Voilà. Dado Ronron, l'amour est mort, et tout ça, quoi. Je veux dire, je ne renie pas toutes ces chansons-là, mais c'était bien de trouver des sujets un petit peu qui sortent de l'ordinaire et qui ne soient pas continuellement toujours le même thème. Situons justement l'album de Rock'n'Roll Attitude. Thibaut, tu as participé dans le DVD qui va être intégré dans le artbook. Oui. Ben, on va te laisser la parole. On va alterner entre Jean-François et avec Thibaut. On a pu voir l'interview de Thibaut, toi et moi. Et il y a quelque chose que je trouve tout à fait intéressant dans ce que tu racontes et j'aimerais que tu le développes un peu pour nous. C'est la différence que tu fais entre le titre, entre le mot rock'n'roll et l'attitude. Et j'ai trouvé ça vraiment pertinent et très très malin ce que tu as raconté. Oui, parce qu'on, c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire rock'n'roll attitude, et je trouvais ça intéressant de s'arrêter sur ce titre et de les séparer, et de savoir finalement qu'est-ce qui était le plus important entre rock'n'roll et attitude. Parce que finalement, le travail de Michel Berger, est-ce que c'est pas justement sur cette attitude, sur cette intention, sur ce personnage rock de Johnny qu'il a travaillé, qu'il a façonné, tout en lui apportant autre chose, tout en lui apportant ce que Michel Berger savait faire. Parce que quand on écoute cet album, c'est ça qui est très fort, c'est que Michel Berger, il fait pas du Michel Berger, il fait pas du Johnny Hallyday, il fait du Michel Berger pour Johnny Hallyday, et il va capter cette rock'n'roll attitude qu'il invente, et qui est un terme qui est ensuite entré dans le langage courant que tout le monde emploie, sans forcément savoir à quoi il fait référence au départ. Et je trouve que c'est ça qui est fort dans cet album, c'est que Berger ne fait pas un album de variété pour Johnny Hallyday. Il lui fait vraiment, il est capable de composer du rock, alors pas le même rock que Johnny chantait évidemment quelques années auparavant, du rock plus moderne à ce moment-là, du rock un peu plus grand public, mais il va dans le personnage à fond, quoi. Michel Berger ne s'est pas contenté d'écrire Le Chanteur Abandonné ou quelque chose de Tennessee. On a des Qui Ose Aimer, on a des Équipes de Nuit, on a vraiment des chansons aussi comme Rock'n'Roll Attitude, la plus connue des rocks de cet album. Et Rock'n'Roll Attitude, j'aime bien séparer les deux mots, effectivement, pour comprendre ce que le processus, en fait, mental de Michel Berger, lorsque on l'imagine chez lui, devant son bureau, devant son piano, à se dire « qu'est-ce que je vais écrire pour Johnny Hallyday ?» Et c'est vrai que c'est fascinant d'essayer de se mettre à sa place lorsqu'il s'est retrouvé tout seul à se dire « j'ai un album entier à faire pour Johnny Hallyday ». Qu'est-ce que je vais lui écrire? Comment je vais lui écrire? Qu'est-ce que je vais le faire dire? Quelles notes? Quelles mélodies? Quelles intentions? Et ça, c'est fascinant d'imaginer tout ça. Et surtout que Michel Berger fait chanter Johnny des chansons que lui aurait peut-être aimées, mais il savait très bien qu'il n'avait pas la voix pour les porter. Et oui, même quelque chose de Tennessee. C'est Yannick Top qui m'a raconté ce moment. Michel Berger, il a composé quelque chose de Tennessee. Il ne savait pas que ça deviendrait ce que nous, on a tous écouté. C'est au moment où Johnny l'a chanté pour la première fois en studio, Michel Berger, il a relevé la tête d'un coup et son regard a croisé celui de Yannick Top, l'air de dire « Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ?» Vous savez, cette montée quand Johnny part « Quelque chose de Tennessee !» ou avec cette voix puissante, cette voix très forte, Michel Berger ne l'avait pas composé ni chanté comme ça. Sauf que pour Johnny, c'était une évidence, en fait. Oui. Lui, il chantait, il lâchait les chevaux, il y allait. Et en soi, il a entre guillemets composé une partie de la chanson. Johnny, en tout cas, il a transformé la chanson en la faisant ainsi. Et c'est vrai que c'est du Berger avec la voix de Johnny, et donc les deux réunis, ça donne ce qu'on va tous réentendre dans ce formidable projet 40 ans de Rock'n'Roll Attitude, qui sont des chansons fabuleuses. C'est comme la chanson « Aimer vivre ». Il est dit dans le hardbook justement que c'est Johnny qui a demandé à ce qu'on accélère donc le tempo à la moitié du titre. C'est une des grandes réussites de cet album. C'est une chanson absolument extraordinaire. L'interprétation de Johnny est absolument sublime. Et sur scène, il en a fait aussi quelque chose de monumental. Et c'est par cette chanson qu'il décide de quasiment terminer son concert à la Tour Eiffel en l'an 2000. L'ambiance au studio Tempo est très détendue. Retrouvons dans cet autre document Johnny Hallyday, Michel Berger et les chœurs de l'album en préparation. Francine Raymond, Judy Richards, Daniel Ferland, Richard Groul, en train de répéter le titre Rock'n'Roll Attitude. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est peut-être mieux de faire ici avec la track. Avec la track, ça va. Avec la banque. Je vais faire trois fois, puis après, je vais faire ça. Avec la track. On le fait ici. Avec la track. Ouais. On peut travailler, monsieur. C'est vrai, c'est monsieur Sonny. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on peut travailler, monsieur Sonny? Oui. Ça a dû toucher beaucoup pour dire ça. Et pour dire la marque. Monsieur Sonny, c'est mieux. Avec Sonny, tout est possible. Rock'n'roll attitude. Rock'n'roll attitude. Ah non, non, non, ce soit carrément. Enfin, un petit plan pour du thème. Rock'n'roll attitude. Voilà. Eux, ils travaillent. Soignez votre voix. Faites comme moi. Fumez, gitane. Rock'n'roll attitude. Moi, je crois qu'il faudrait faire ça. Et puis peut-être une petite voix d'aiguë en plus. Après, on... Rock'n'roll attitude. Avec une voix grave, quand ils chantent dans le grave tous les deux, ça prend là, ça prend une très très très grosse place par rapport à Oui, c'est ça. Oui, c'est pas vrai. Quand là, tous les deux ils chantent en bas, qui c'est ça, la mélodie en bas, c'est trop. Alors, un qui fait en bas. Un en bas, ouais. Un en haut, et les filles au milieu. Bon, et on va faire l'octave de ce qu'elle faisait avant, qui est une tierce plus haut que lui. Ouais, mais qui. Ah, ouais, et ouais, quand ouais. Même, quoi. Quinte en bas de lui. Ouais. Alors je chante un. Oui, c'est ça. Ouais. On essaye ça. Et si c'est pas bien, ça veut dire que je me trompe. Il faut pas de voix de garçon dans l'aiguille. Ok. Et on fait comme... Ok. Hein? C'est très bien. D'accord. Pas que ce soit trop haut, hein, l'ensemble. Hein. Est-ce que c'est tu fais ça tout le long? Il faut que ce soit. Je sais même pas si c'est ma bouche fermée. Ben, c'est vraiment très. Il faut que ce soit très petit, hein. Pas très détimbré, tu vois. Peut-être juste trois notes. Tout me fait craquer. C'est encore de la dernière pluie. Que je veux être né. La mort lui fait des pieds de nez. L'amour, j'suis pas décidé. Je veux encore essayer. Mais toi, lutte pour écrire ton histoire. Lutte pour garder ta mémoire. Et pour garder en toi une rock'n'roll attitude. Ne reste pas chez toi avec tes certitudes. Rock'n'roll attitude. Si l'été est trop lourd, si l'hiver est trop rude. Lutte contre la vie que tu mènes. Lutte pour la musique que tu aimes. Que tu gardes en toi une rock'n'roll attitude. Rock'n'roll attitude. Rock'n'roll attitude. Rock'n'roll attitude. Rock'n'roll attitude. Rock'n'roll attitude. Rock'n'roll attitude. Rock'n'roll attitude. Oh yeah. Rock'n'roll attitude. Rock'n'roll attitude. Maintenant, portons à la connaissance de nos auditeurs le contenu de cet artbook sur Rock'n'Roll Attitude qui sortira le 19 décembre 2025. Il fallait là, pour ces 40 ans, c'était une des difficultés, faire quelque chose de différent du livre-disque qui était déjà sorti. Tout à fait. C'était pas évident. Ce projet, il a été fait en totale collaboration avec le fils de Michel Berger, qui Raphaël, a évidemment un droit de regard, plus qu'un droit de regard sur l'œuvre de son père, mais c'est normal, hein, c'est légitime. Donc tous les choix ont été faits avec lui, avec son accord, avec sa participation. Tout ce qui était possible de mettre a été étudié. Il y a des choix qui ont été faits, il y a des choses qui ont été éliminées au profit d'autres. Mais à l'arrivée, c'était de donner un projet à la fois différent du livre-disque, avec un contenu qui soit riche, donc que ce soit sur le plan de la photo, que ce soit sur le plan du son. Il y avait un Blu-ray de l'album. Bon, pour ceux qui sont équipés avec ce type de technologie, c'est un vrai plus, un vrai bonus. Le projet donc a été développé en deux phases. La sortie le 5 décembre de CD, vinyle et single avec un titre inédit. C'est l'amour que j'attendais, un duo Michel Berger et Johnny Hallyday, qui n'était jamais sorti, et puis sorti le 19 décembre de l'artbook qui comporte donc tout ce magnifique reportage photo. C'est l'album original de Rock'n'Roll Attitude avec donc l'illustration, la photo de Serge Van Pouk, une photo au recto et une photo au verso. Et c'est les deux seules photos qu'on connaissait de ce reportage. Mais voici des photos inédites, jamais dévoilées jusqu'à ce jour. Et pour cause, elles avaient disparu. Le photographe est mort peu après la parution du disque et ses autres clichés étaient introuvables. Jusqu'à l'an dernier, lorsque Xavier repère sur les réseaux sociaux un message inespéré des descendants du photographe. À la suite d'un déménagement, ils ont vidé un tiroir et ils ont découvert le reportage intégral qui dormait depuis 40 ans dans ce tiroir de cette commode. Elles sont hors du temps parce qu'elles sont noires et blancs. Elles sont émouvantes parce qu'on y voit un Johnny qui est rayonnant, franchement, qui est magnifique et qu'elle lui ressemble en fait. De l'artbook qui comporte des témoignages passionnants de personnalités, notamment Bernard de Bosson, qui était le patron de Warner à l'époque, oui. Qui travaillait avec Michel Berger et d'autres artistes, qui racontent des choses vraiment très intéressantes. Un texte d'un écrivain, disque. Nicolas Mathieu, merci, voilà. Merci Thibault, qui est aussi très bien fait autour de l'album. Et puis une version Blu-ray du disque et le DVD donc qui a deux parties, des interviews dont celle de Thibault et une demi-heure d'extrait de répétition de Bercy 87. Ouais. Il y a six titres. De la mer, quelquefois triste, jamais amer. J'ai des regards qui m'accompagnent et j'ai des passions à l'envers. Et la musique des nuits entières, seul, mais pas solitaire. Seul. Seul derrière la paroi de verre, seul dans un rond de lumière. Seul, mais pas solitaire. Seul, mais pas solitaire. Tu me demandes de quoi ça a l'air, ces lettres d'amour éphémères. Et si tout en haut ça manque d'air, y a des timides qui n'en ont pas l'air, des yeux humides sous des masques de fer. Laissez dire mais pas laissez faire. Seul, mais pas solitaire. Mais pas solitaire. Seul, mais pas solitaire. Si on remet en contexte, tout à l'heure on parlait de Nathalie Baye qui a présenté Johnny à Michel Berger. Mmh. On peut remettre le contexte de Johnny Hallyday ou dans une période vraiment bad. Oui, mais il sort d'un Zénith qui est un magnifique spectacle, hein, mais avec à rentrer beaucoup de difficultés. Il long, a eu long, trop long, pas de tube, problème de santé, il s'arrête. Il revient pour deux galas où il casse la baraque, trois galas pour finir. Après, il fait la tournée le printemps de Bourges avec Eddie Mitchell, et puis après, il file à Montréal enregistrer en Rock and Roll Attitude. Donc, mais c'est les années 80, quand tu prends les 3 ou 4 dernières années, pas de tube. 6 années sans tube, hein, quand même. Hein, ouais. La chanson que les gens ont retenue au Zénith, c'est Ne me quitte pas. Oui. C'est ça qui a été signalé, qui a été retenu. Et c'est vrai que c'était surprenant. Et mais c'était, en plus, c'était une très belle interprétation. Tout à fait. Mais voilà, c'est pas des chansons, une chanson de Johnny. Sinon, c'est vrai qu'il faut remonter à 1979 avec Ma gueule et Le bon temps du rock'n'roll. Ouais. Avant, c'est 77 et J'ai oublié de vivre. T'as aussi Elle m'oublie qui a été un gros tube à l'époque. Oui, là, Elle m'oublie. Mais sinon, de 1980 à 1985, il n'y a rien. Donc, d'où l'urgence quand même d'aller chercher quelque chose. Cet album, quand il est sorti, Johnny a pu en faire la promotion avant de passer à nouveau sur le billard, notamment dans un Champs-Élysées avec Michel Drucker, où il est en débardeur vert, pantalon blanc, oui. Voilà, et donc il fait un duo au piano. C'était en juin 85, et Michel Berger était au piano, Johnny avec une veste et débardeur dessous, et Michel Drucker très énervé. C'était la dernière émission de la saison et il était très énervé par le public et qui arrêtait pas de gueuler et Michel Drucker perdait ses nerfs. Ah, c'est pour lui faire perdre ses nerfs, il faut vraiment que ça soit insupportable. Et après, il a fait d'autres télés, et notamment à la fin de l'année, il a fait cette télé qu'on a sortie d'ailleurs dans le livre disque, qui était Johnny Metro Blues. Oui. Tournée à la station Aubert à Paris, dans le métro. C'était assez original comme lieu. Mais là, dommage aussi, beaucoup de playback. Revenons sur cette émission de Champs-Élysées du 1er juin 1985 où Michel Drucker est au bord de la crise de nerfs. Les micros ne fonctionnent pas et le public est très agité. Johnny interprète avec Michel Berger Quelque chose de Tennessee. À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu. Il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie. Cette main tendre et légère. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Y'a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit, quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vivre, ce rêve en nous s'était senti à lui, quelque chose de Tennessee. cœur de la ville s'est endormi. Flotte un sentiment comme une envie. Serrons-nous avec tes mots et lui. Quelle source de Tennessee. Rock'n'Roll Attitude, voilà une association dont on a beaucoup parlé. Alors c'est ça ton public alors. C'est ça son public. Il bouge, hein, oui. Attendez, attendez. Chut. Je vous signale, attendez. Attendez, vous pourriez scander aussi Michel, Michel, car c'est lui qui a écrit les chansons quand même. Voilà. Voilà. Tu dis ça parce que voilà, c'est ton prénom aussi, alors Michel. Ça peut aller. Allez-y, continuez. Michel encore, on va. Bon, merci. Alors c'est ça ton public. Bon, parlons un petit peu plus sérieusement de ces chansons. Comment est née cette collaboration? Est-ce que c'est un jour comme ça, on décide d'appeler Michel Berger, on lui dit voilà, il y a longtemps que j'aimerais que tu m'écrives des chansons. Je suppose que ça se fait souvent comme ça dans ce métier, mais c'est pas aussi simple que ça. Car lorsqu'on appelle Michel Berger, je suppose que c'est pas pour écrire une chanson. Car, moi, car pour eux. J'avais toujours dit que j'avais envie d'écrire un album pour Johnny. Vous entendez là, quelque chose dans la salle? Ça ouais. M'étonne pas. Vous savez, on ferme alors, vous savez, le matériel commence à s'ouvrir. Non, j'avais dit à Johnny depuis très longtemps que j'avais envie d'écrire un album. Alors ça s'est bien trouvé là, c'était le bon moment. Ça s'est pas fait par téléphone, on s'est vu, les yeux dans les yeux. Ben oui, on s'est vu à un dîner après un spectacle au Zénith. Ça se fait toujours devant une assiette et un verre, ce genre de truc. Bon. Vous avez des points communs, vous avez beaucoup de choses qui vous séparent. Vous avez dit, Michel, dans une interview dans François, il a une attitude héroïque dans la vie, quoi. C'est un héros, c'est un personnage qu'on ne peut pas cerner comme ça tout de suite. Il y a plusieurs Johnny Hallyday, c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de chansons. Oui, c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez différent, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on aurait pu, je crois, s'enlever des choses, et au contraire, je crois que le disque est pas mal réussi, parce qu'on s'est ajouté des choses, et l'espèce de sensibilité, l'émotion, je crois que ça, on l'a en commun, et puis il a une espèce d'énergie, une pêche qui donne des choses au disque. Surtout, et puis en plus, il faut dire qu'on a beaucoup parlé ensemble avant de faire cet album, de ce qu'on aurait envie de faire ensemble, des sujets qu'on avait envie de traiter, et puis du style de musique. La carrière de Johnny Hallyday, Michel, vous la suivez comme tout le monde, comme tous les pros de ce métier depuis très longtemps. Vous avez vu tous ces spectacles? Vous aviez vu tous ces spectacles avant? J'ai pas vu tous ces spectacles, j'ai vu les deux derniers. Je crois le Palais des Sports et le Zénith, mais. Et puis j'ai vu un spectacle aussi quand j'étais beaucoup plus jeune. C'était un des premiers spectacles que j'ai vu. On m'a toujours dit que c'était une bête de scène. Et pour moi, c'était quelque chose de très abstrait. Je me disais, mais qu'est-ce que ça peut être une bête de scène? Effectivement, la première fois que j'étais à un spectacle, j'ai été impressionné par la présence qu'il avait sur scène. Mais je trouve qu'il a une présence qui passe tout à fait à travers... Non, c'est pas une bête tout court, ça oui. Va. Non, mais je trouve que ça passe aussi dans un disque. Je crois que c'est une bête de scène, c'est un truc finalement assez abstrait. On a une présence ou on n'a pas de présence. Et je crois que dans ce disque, il a de la présence parce qu'il en a dans la vie. Voilà, maintenant, ces chansons vont descendre dans la rue grâce aux médias, aux radios, et puis un jour, elles vont arriver sur scène. Et ça, ce sera peut-être pour 87. Oui, j'aimerais dire aussi une chose, c'est que ce disque, on l'a fait parce que on a pensé à la scène quand on a fait ce disque. Ouais. Et très souvent, on fait des disques en pensant au disque et on oublie un petit peu la scène. Et puis après, on a des problèmes pour faire les mêmes chansons, pour les reproduire sur scène. Et là, on a fait un disque en pensant aussi à avoir un matériel de scène. Donc on a pensé effectivement à faire un spectacle avec ce disque. Sur cette nouvelle édition de Rock'n'Roll Attitude, nous retrouvons aussi des prises Rough Mix. Donc en gros, on est dans le mix normal, brut. Voilà, mix brut avant qu'il y ait toutes les... Ces versions-là ont été validées par le fils de Michel Berger, oui. Par exemple. On a Aimé Vivre donc et Rock'n'Roll Attitude. Sur l'album Rock'n'Roll Attitude, on a donc découvert ce duo inédit avec Berger sur une jolie mélodie. En quelques notes, s'ouvre une boîte à souvenirs. 1985, voici Johnny. On a tous des rêves cachés, des pavés dans sa mémoire. Pour lui répondre, un ami. Pour un duo que nul n'avait imaginé, avec Michel Berger. Quand le soleil se couchait, j'avais des drôles d'idées noires. Perdu durant 40 ans. L'imagination bizarre. On l'a cherché, mais on l'a pas trouvé. On l'a trouvé totalement par hasard. C'est l'amour que j'attendais. Enregistré dans ce studio, pendant les séances de Rock'n'Roll Attitude. Album culte de Johnny, écrit, composé de la première à la dernière note par Michel Berger, deux légendes, sous le regard de leur ingénieur du son. Ça vous fait sourire ? Oui, et des souvenirs. Deux univers si différents. Mais dans l'intimité du studio, Jean-Pierre Janiot a vu s'unir deux grands timides à l'admiration réciproque. Mélodie agréable qui aurait pu figurer dans l'album, je ne sais pas pourquoi à l'époque le choix était fait de ne pas la mettre, mais moi j'aurais, je trouve qu'elle aurait pu remplacer avantageusement un ou deux titres dont je ne suis pas très fan sur cet album, comme La blouse de l'infirmière. Mais je sais qu'il y a des fans, Christophe, si tu nous écoutes, cette remarque est pour toi. Ouais. Ouais, pas parti non plus. La blouse de l'infirmière. Ouais, c'est ça, oui. Ouais, mais ça, bon. Petit coup de truc satirique, un peu, pour parler des déboires, on va dire, hospitaliers. Voilà. Ouais. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est que La blouse de l'infirmière, ça, c'est une chanson qu'on aurait pu s'imaginer dans Quelque part un aile ou dans un album époque Billon de 2 ans auparavant. C'est pas faux, hein, tout à fait. Du genre, oui, quelque part, Nick, t'as raison. Et puis celle qui est un peu décalée, je trouve, par rapport à l'ensemble du projet, c'est Par cœur connaît pas. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Mais par contre, c'est bien d'évoquer ce personnage de Charlie Parker, parce que c'est un personnage absolument incroyable. Mais tu cherches quand même la liaison entre Charlie Parker et Johnny Hallyday, quand même. Tu la cherches. Bah, il a l'air de dire que nous, on connaît pas, mais que lui, oui, il connaît. Donc, mais tu dis, Johnny, écoute du jazz. Johnny, je pense que ça s'intéressait quand même à l'histoire de la musique, et Charlie Parker, c'est quand même un des fondateurs du bebop, donc ouais. Je pense qu'il avait cette connaissance au moins basique. Peut-être que la chanson de Johnny a inspiré Clint Eastwood. Exactement. On va se dire ça. On a tous des rêves cachés, des pavés dans sa mémoire, et des valises de souvenirs qu'on veut poser quelque part. Quand le soleil se couchait, j'avais des drôles d'idées noires, l'imagination bizarre. Et juste une envie de vivre. C'est l'amour que j'attendais. Dans ce monde fier et hostile, difficile, un seul regard. attendez. Pour briser ma solitude, l'habitude. Et je savais que quelque part il m'attendait. En mars 1986, Michel Berger accordait une interview à Jean-Charles Simon, présentateur sur une télévision suisse. Dans ce document, il évoque sa rentrée musicale et l'écriture de chansons pour Johnny. Quand on fait un album pour Johnny Hallyday, on se met à la place de Johnny Hallyday, Oui. On dit ça y est, je suis Johnny, qu'est-ce que j'aimerais chanter ? On devient rocker. On devient rocker. Non, mais c'est, bien sûr, c'est amusant. Moi, il y a des choses que je voulais écrire que je ne pouvais pas écrire pour moi. Je voulais, par exemple, parler de l'équipe de gens qui travaillaient la nuit, des choses assez dures comme ça, et lui, il les fait passer merveilleusement. C'est bien. C'est... Moi, je suis vraiment pas un auteur frustré, parce qu'entre France, qui est très féminine, lui, qui a vraiment la patate, comme on dit en France, et moi, ça me permet d'écrire des choses très variées. C'est très agréable. Est-ce qu'il n'y a pas des chansons qui étaient tellement belles, vous dites, oh, je vais les garder pour moi, je ne vais pas leur donner, soit à France, soit oui, soit mais justement, dans le spectacle, il y a un moment où je chante les chansons que j'ai faites pour les autres, que j'aurais voulu chanter. Comme ça, je vais pouvoir les chanter au moins une fois. C'est vrai que c'est quelque part, je me dis, j'aurais pu la faire pour moi, mais c'est bien. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, volonté de prolonger la nuit, désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, force qui nous pousse vers l'infini, y a peu d'amour avec tellement d'envie, peu d'amour avec tellement de bruit, quelque chose de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vivre. Rêve en nous, c'était son cri à lui, quelque chose de Tennessee. Quelque chose en nous de Tennessee. Pendant la campagne présidentielle de 1988, lors du grand meeting RPR avec le candidat Premier ministre Jacques Chirac, Johnny Hallyday soutient sa candidature et affirme en lui serrant la main « Nous avons tous quelque chose de Jacques Chirac ». Le journaliste Yves Bigot racontait dans l'émission « C'est à vous » la colère de Michel Berger. Alors moi j'avais une émission de rock, hein, Pierre le sait bien, sur Europe 1 le soir. D'ailleurs Michel et France étaient venus me voir un jour, ça devait être au printemps 1982. Et ils étaient invités de l'émission de Christian Barbier qui me précédait à l'antenne. Et pendant le flash d'info, à minuit donc, ils viennent me voir. Donc moi j'étais en train de me préparer pour le direct. Ils disent voilà, on voudrait se présenter, on se connaît pas, mais on vous écoute tous les soirs, on trouve que c'est super, on voudrait vous connaître. Donc c'était absolument adorable. Et c'est comme ça qu'a débuté la relation. Après Michel, il m'appelait, mais quasi pour un oui, pour un non, comme il le faisait certainement avec Pierre, pour commenter mes articles dans Libé, pour me dire que je devrais plus passer tel titre, mais passer tel autre. Ou alors, je me souviens du jour où il était en furie quand Johnny, pour lequel il avait écrit donc tout l'album Rock'n'Roll Attitude, Johnny avait chanté pour le lancement de la campagne de Jacques Chirac à la présidentielle, à Vincennes, il avait chanté « On a tous quelque chose en nous de Jacques Chirac ». J'aimerais dédier cette chanson à Jacques Chirac. Nous avons tous en nous quelque chose de Jacques Chirac. Michel, en furie, m'appelle. Je viens. Où es-tu ? Je viens. Je veux parler sur Europe 1 tout de suite et je veux que tu fasses un papier dans Libé demain pour dire que Bien évidemment, je ne suis pas d'accord. Tennessee Williams, un auteur homosexuel, etc. Ça n'a rien à voir avec Jacques Chirac. Ce qui est bien loin. Eh bien, il était en furie. Et il était venu sur Europe 1 le dire. Oui, oui, bien sûr. Oui, il m'avait obligé de sortir mon agra tout de suite pour enregistrer, pour que dans le journal suivant, voilà, ça passe immédiatement. Tellement belles qui vous attendent sagement dans leur lit. Dire qu'il y a des hommes et qui dorment et qui rêvent tranquillement leur vie. T'as vu l'heure qu'il est, l'homme n'est sûrement pas fait pour échanger sa paix contre la lumière du soleil. Jean-François, l'album Rock'n'Roll Attitude sortait le 26 juin 1985. Moi, quand j'ai écouté le disque pour la première fois, quand je l'ai acheté, c'était en juin 1985, on avait appris en fait cette collaboration dans une interview qu'il avait donnée à Paris Match après son pépin de santé au Zénith, où il avait donc été obligé d'aller se reposer chez lui. Match était allé le voir et il a fait un reportage, et dans ce reportage, ils évoquaient la suite, et dans la suite, on nous annonçait qu'il allait travailler avec Michel Berger. Ce qui était surprenant quand même pour ses fans de l'époque, c'était quand même, mon Dieu, qu'est-ce que ça va pouvoir donner? Enfin, on était un petit peu inquiet. Et quand on reçoit l'album, il y a deux choses qui m'ont frappé. Moi, c'était d'abord la cover. Mmh. Donc, et c'est très intéressant de savoir qu'ils ont retrouvé le reportage photo qui avait disparu, et c'est quelqu'un de la famille du photographe qui, en rangeant, est tombé sur ces négatifs. Et donc, dans le artbook, il y a toute une série de photos totalement inédites qui sont magnifiques. Elles sont très belles. Magnifiques. Elles sont extraordinaires. Extraordinaires, et ça vaut vraiment le coup. Les photos de Serge Van Poek, je vous recommande notamment celles où Johnny porte des gants. Oui. Elles sont absolument sublimes. Elles sont sublimes. Absolument sublimes. C'est un des éléments importants de ce artbook. Quand j'ai écouté l'album, voilà, il y a des choses que j'ai aimées, moins aimées, mais aimer vivre. Tu adhères de suite. Une grande chanson, c'est évident. Ce que j'adore, moi, c'est des chansons comme ça, progressives comme ça, le tempo après qui accélère, c'est vraiment des chansons que j'adore écouter, justement, de Johnny. Ouais. Et ça, c'est incroyable de se dire que ça aussi, c'était pas fait pour être comme ça. Et quand on pense à la version de la Tour Eiffel qui dure 11 minutes, en fait, Johnny, dans le studio Tempo à Montréal, avec Michel Berger, avec Yannick Top, avec Peter Frampton et toute la bande, il pense déjà à la Tour Eiffel. Alors, il ne sait pas évidemment que ça sera la Tour Eiffel 15 ans plus tard, mais il pense déjà à ce que cette chanson va devenir sur scène, et il dit à Michel Berger, et si on accélérait le tempo? Et là, l'intelligence de Johnny d'avoir cette idée pendant l'enregistrement, et l'intelligence de Michel Berger de suivre son artiste, alors que c'est absolument pas ce qu'il a prévu. Michel Berger aurait pu être un directeur artistique un peu obtus, de dire à Johnny, bah non, c'est pas ce qui est prévu, la chanson elle est bien comme ça, c'est pas une bonne idée. Bah non, Michel Berger, il a l'instinct aussi du grand compositeur, metteur en scène qu'il est, de suivre son artiste, et ça a tellement bien fonctionné pour en faire ce monument de scène ensuite. Parce qu'il joue en live, c'est ça qui est important à préciser sur Rock'n'Roll Attitude, c'est que les musiciens et Johnny jouent et chantent ensemble. C'est pas Johnny tout seul dans la cabine de studio qui arrive 5 heures après les playbacks. C'est vraiment une ambiance live et c'est ce qui fait que Johnny peut s'impliquer plus qu'il ne le faisait sur les albums précédents, par exemple. Oui, il a son mot à dire, en fait, de compte. Et je trouve un des éléments intéressants aussi de cet album, et c'est un choix très intelligent de Michel Berger, c'est d'avoir fait appel à Peter Frampton, avec lequel Johnny avait beaucoup travaillé dans les années, fin des années 60, surtout début des années 70, d'un grand guitariste qui a eu son succès international. Et la patte de Peter Frampton dans cet album, elle est vraiment importante. Et ça donne aussi un son, des chorus de guitare qui sont magnifiques. Et quand on les réécoute avec en plus ce remastering, pour revenir à l'album, il a démarré avec Le Chanteur Abandonné, qui était le premier single qui a été extrait, qui est rentré dans le top 50, qui a fait une sa carrière. Donc Johnny est bien dans le top 50, est bien dans l'air du temps. Le second single n'a absolument pas marché, c'était Rock'n'Roll Attitude, qui d'ailleurs est plus une chanson de scène probablement qu'une chanson d'album, et qui n'a pas du tout marché. Et derrière, ils ont mis Tennessee très vite. Et Tennessee a fait vraiment complètement décoller le projet et l'a installé dans l'histoire. C'est ça. Et porté, cette chanson aussi portée par ce clip vidéo. Donc, on avait. Clip de Bernard Schmitt. On avait tout, voilà. La vision, Louis, on avait tout de. Tous les sens étaient développés. Il manquait plus que l'odeur. Parker connaît pas. C'est le temps qui flambe et qui fait sa loi. Parker, c'était quoi? Un homme simplement, avec le génie au bout des doigts. Love Man, c'était un air comme un autre. Love Man, c'était un cœur comme le nôtre. Continuons à parler de ce projet Artbook qui sortira le 19 décembre avec un DVD. Dans l'Artbook, il y a une interview assez longue de Jean-Pierre Janiot aussi, qui était donc qui est très intéressante, parce qu'il était évidemment aux manettes pour l'enregistrement de l'album. Puis on le retrouve également dans le DVD. Oui, tout à fait. Et ça apporte aussi des éléments d'information intéressants sur les périodes dans lesquelles ils enregistraient et tout. Et puis, on a un petit mot de Nathalie Baye, qui introduit un petit peu le projet. Et elle dit très clairement que Johnny se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'il tournait en rond et qu'il fallait qu'il sorte de cette ambiance générale. Et d'où la proposition qu'elle a eue, l'idée de l'amener, elle était très amie avec France Gall, de l'amener vers Michel Berger. Et c'est vrai que l'interview de Jean-Pierre Janiot, je la recommande à tous ceux qui qui aiment les détails techniques de comment se passent les enregistrements. Mmh. Ça me fait penser un peu aux interviews qu'on avait fait avec Jean-François et avec Bernard Fossé dans notre livre Tout Johnny, où Yvan Cassard, Maxime Nucci nous expliquaient précisément avec quel micro Johnny enregistrait, avec quels instruments, quelle régie, etc. Et Jean-Pierre Janiot, il explique le choix de micro et quel avait été le bon micro pour Johnny, en donnant précisément, d'ailleurs, vous le lirez dans l'artbook, le modèle de ce micro, explique que c'est un micro qu'il utilise habituellement pour les saxophones, pour les cuivres, mais que c'est celui qui prend le mieux la voix de Johnny. Il explique son travail pour pas avoir de compresseur qui suit la voix de Johnny à la main. Enfin bref, c'est absolument passionnant pour tous ceux qui aiment connaître la petite cuisine des enregistrements de Johnny Hallyday, pour aller vraiment au fond des choses. Moi, j'ai adoré cette interview de Jean-Pierre Janiot, qui est une légende dans le monde des ingénieurs du son. Le 15 janvier 1986, au lendemain du décès tragique de Daniel Balavoine, Johnny Hallyday était l'invité de Michel Denisot dans l'émission Zénith sur Canal+. La chaîne cryptée diffuse le clip Tennessee. Je parlais tout à l'heure de famille, vous étiez un petit peu le grand frère de cette génération de chanteurs dont faisait partie Daniel Balavoine. C'est vrai, Berger est proche de lui, vous êtes proche de Berger, et on va en arriver à quelque chose de Tennessee qui a été écrit par Michel Berger pour vous. C'est la première fois que Michel Berger écrivait pour un homme, et quand on écoute bien le texte, c'est une chanson peut-être autant pour un acteur que pour un chanteur. Oui, c'est vrai. J'ai découvert en Michel Berger quelqu'un de formidable. Au début, ça a surpris un petit peu tout le monde quand j'ai annoncé que j'allais faire un disque avec Michel. Et les entourages toujours ne sont jamais disposés, prennent toujours un peu mal le fait de changer d'équipe et le fait de travailler avec des gens avec qui on n'a pas l'habitude de travailler. Moi, ça m'intéressait de travailler avec Berger parce que Berger a écrit très peu de choses pour des garçons. Il écrivait que pour des femmes. C'est la première fois. Donc pour France Gall avec énormément de talent. Alors, dans le choix du thème de Tennessee, vous y êtes pour quelque chose? Un jour, oui et non. Enfin, l'idée de Tennessee vient de Michel. Il m'a dit, est-ce que tu as lu les mémoires de Tennessee Williams? J'ai dit non. Alors il m'a offert le livre. Il m'a dit, lis-le. Et ça m'a intéressé. Et moi, je suis un grand fan, mon idole avant tout dans le cinéma, c'est Elia Kazan. Tout le cinéma que j'ai aimé dans ma vie, c'est toujours passé à travers les films de Kazan, inspiré des films de Kazan, que ce soit sur les quais avec Brando, comme Le Fleuve Sauvage, À l'Est d'Éden, enfin pour tous les Un homme dans la foule, tous les films qu'il a fait. Et Elia Kazan a mis... D'abord, c'était un admirable metteur en scène de théâtre aussi, Elia Kazan, il était également comédien. Il a mis, en dehors de mettre sur scène, de monter des pièces de Tennessee Williams, il en a fait aussi des films, énormément de films. Et à travers l'hommage que je voulais faire à Elia Kazan, toute cette époque extraordinaire des années 52, 55, 56, on a fait cette chanson en hommage à Tennessee Williams, bien sûr, et aussi à Kazan. C'est pour ça que quand on a fait le vidéoclip de Tennessee Williams, je tenais absolument à ce que le vidéoclip soit fait en noir et blanc, que tout tourne un petit peu autour de Tennessee Williams, c'est-à-dire avec l'image des années 50, les vieilles voitures, ce gars, on ne sait pas, quand il revient dans cette maison, il voit la femme, on ne sait pas s'il a été avec, si la petite fille est peut-être sa fille, on ne sait pas, enfin la femme s'est remariée, tout ça, il est chassé de cette ville. Et on a essayé, c'est comme dans tous les personnages de Tennessee Williams, c'est toujours des personnages un petit peu brisés. Et c'est très cinématographique. Enfin. Voilà, donc c'est un véritable clip de chanteur-acteur, comme je l'ai dit l'autre jour quand on l'a présenté pour la première fois sur Canal+, que nous allons voir, qui a été réalisé par Bernard Schmitt et qui a été tourné, on peut le dire? Où il a été tourné? Il a été tourné en Pâques. Parce que quand on le voit, on dit, ils sont allés aux États-Unis. Non, on a eu du Marvel. Bernard Schmitt, il a eu une très bonne équipe qui ont cherché des endroits qui pouvaient faire ressembler aux États-Unis, comme dans les petites villes de province des États-Unis. Et c'est la banlieue parisienne. Oui, c'est région parisienne. Alors, ils ont eu beaucoup de mal aussi à trouver un camion, un Mac américain. Enfin bon, on a essayé de reproduire exactement l'ambiance des années 52 aux États-Unis. Quelque chose de Tennessee. Quelque chose. quelque chose en nous de Tennessee. L'animateur radio et producteur des Francofolies, fondé justement en 1985, Jean-Louis Fouquier, recevait John Hallyday et Michel Berger dans son émission Pollen sur FR3 en mars 1986. Hallyday. Ça va ? Ça va bien. Je voulais te remercier d'être là parce qu'il est un peu tard et qu'en en ce moment, je sais que tu te lèves tôt, ce qui doit changer de tes habitudes quand même, parce que tu avais une réputation bien établie de prince de la nuit et que le cinéma, ça change de musique. Ça dépend ce que j'ai à faire. Quand je dois travailler tôt, je me couche tôt. Quand je travaille tard, je me lève plus tard. Et le cinéma, les gens ne savent pas souvent que le cinéma, ça commence à 7 heures du matin sur les plateaux. C'est... Oui, et pour ça, il faut se lever à 5 heures. Et voilà. Oui. Mais au cinéma, on tourne la journée. Et puis, quand on fait de la musique, on travaille la nuit. Ouais. Alors, tu auras fait les deux aujourd'hui, ou presque. Oui, les deux, oui. Je voudrais te présenter quelqu'un qui est fou de la chanson que tu viens d'interpréter. C'est un fan. Michel, viens, sois pas timide. Je te présente Johnny Hallyday. Ah, Michel Berger. Monsieur. MB. Oui, IH. Bonjour. Non, mais il ne faut pas commencer à dire que je suis fou de mes chansons, parce que j'ai déjà une réputation de mégalo, alors là, c'est... Non, mais j'aime bien la manière dont il le chante, par contre. C'est vrai. Ben, de toute façon, je crois que pour un auteur-compositeur, être interprété par Johnny, qui est une race en voie de disparition, parce qu'il n'y a, a plus d'interprète, ou presque. C'est ce qu'on dit, en tous les cas. Non, ça. Ben, c'est pas mal non plus de chanter des bonnes chansons. Ça y est, on s'envoie les fleurs. Non, mais pas du tout, mais c'est vrai. Non, mais... j'aime bien chanter les chansons de Michel Berger. Ouais. J'avais pas pensé... C'est bien, je trouve. C'est... Moi, je voulais tout à l'heure, je lui demandais si est-ce que les gens comprennent que c'est une chanson sur Tennessee Williams. Bon, depuis le temps que je dis que c'est Tennessee Williams, je crois qu'ils ont compris quand même, non ? Bon, bah, écoute, ce n'est pas le Tennessee, c'est Tennessee Williams, le romancier. Ouais. Qui a provoqué cette rencontre et cette collaboration ? C'est toi, Johnny, qui a pensé à un moment donné ? Non, c'était déjà vu avant, quand même. Oui, on se connaissait quand même dans le métier depuis le temps. Mais j'avais très très envie de faire un disque avec Michel, et puis bon, ben, son emploi du temps ne le permettait pas, et puis bon, jusqu'au jour où on a dîné ensemble après mon spectacle du Zénith. D'ailleurs, tu vas faire le Zénith bientôt. Oui, c'est gentil. Et voilà, puis ça, voilà, gentil, et ça, puis il est venu dans ma loge et il m'a dit j'ai une idée comme ça. On a l'impression que moi qui faisais rien, qui m'attendait pendant des années, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Mais comme il le raconte, c'est ça. C'est pas ça, non, mais j'avais très envie de chanter des chansons de toi. Alors, vous êtes plutôt content de cette collaboration, est-ce qu'on peut espérer une suite ? Vous y pensez déjà ? Pourquoi pas ? Mais moi je trouve qu'un album c'est quelque chose de très complet. Et je m'habitue pas au fait que ce soit une chanson ou deux chansons, tu vois. Et là, ce qui est vraiment bien dans le disque de Johnny, c'est que c'est une chanson après l'autre. C'est la troisième, la Tennessee, l'album. Vrai. Et j'ai vraiment l'impression que l'album existe. Et ça, je trouve que c'est une joie formidable. Avant, c'était vraiment le 45 tours. Quand j'avais demandé à Michel d'écrire pour moi, j'avais demandé deux chansons ou trois chansons pour un album. Il m'avait dit non, je ne vois pas ça comme ça. Moi, si je travaille un jour avec toi, ce sera pour faire un album complet. Et puis il fallait le temps, puis voilà. Ouais. Je crois que l'époque a changé. Avant, on avait un 45 tours. Maintenant, les disques durent plus longtemps. On a plus la possibilité de s'exprimer. Et ça, c'est bien. Belle aventure en tous les cas. Ah ouais, ouais. Ah. C'était vraiment un bon souvenir. On a été enfermé en studio beaucoup de nuits, mais c'était pas pour rien, quoi. Alors, après, il s'est enfermé pour lui-même. Ouais, je m'enferme. Tu seras aux Élites. Ma vie enfermée. Bien sûr que j'y serai. Oui. Et puis en plus, il va venir chanter. Tu vas faire une. Moi. Tu vas faire une belle salle. Ouais. Je vais chanter une fois Tennessee d'ailleurs. Ouais. Moi, je vais faire un surprise, je vais venir chanter avec toi. Tu le sauras pas. Ah, d'accord. Ah ouais. Dans le DVD, répétition au Zénith et à Bercy aussi. Répétition de Bercy. Alors, il y avait des bandes des répétitions au Zénith et de Bercy. Il y a un choix qui a été fait de City titres et les répétitions. Et ça débute par une phrase qui, je trouve, qui représente parfaitement ce qu'on voit. Et Johnny dit, moi, répétition, spectacle, c'est la même chose. Mmh. Et franchement, il se donne à fond. C'est absolument étonnant. Il y a des moments incroyables, justement, sur Aimer Vivre. Et il se roule au sol. Oui, alors qu'il est en répétition devant, il y a trois personnes dans le studio. Hein. C'est fort cette phrase. Est-ce que c'est pas finalement la phrase qui résume le plus Johnny, répétition, spectacle? Pour moi, c'est la même chose, quoi. Et je trouve qu'elle est parfaitement bienvenue par rapport pour introduire cette séquence, parce que les gens vont s'en rendre compte. C'est presque encore, ils se donnent presque encore plus que sur scène. C'est incroyable. On a eu un exemple avec le filage de la Tour Eiffel, par exemple. Par exemple, voilà, c'est la même. En 2000. Effectivement, c'est comme à la Tour Eiffel, en fait, où sur le filage, sur la répétition, il fait le show, quoi. Il vient pas juste là pour vérifier que le micro fonctionne bien et pour que il soit en mesure avec les musiciens. À partir du moment où il chante, en fait, il donne tout. C'est ça qui est assez incroyable avec Johnny. Et c'est vrai que cette phrase, c'est tout lui, quoi. Spectacle, répétition, pour moi, c'est la même chose, quoi. Johnny, il savait pas, en fait. Il marchait pas à l'économie. Non, jamais. C'est ce qui faisait son personnage, en fait. C'est que c'était toujours tout ou rien, mais en tout cas toujours tout et jamais de demi-mesure, quoi. Et on comprend que en playback, c'était pas terrible. Quand il fait des playbacks à la télé. comment voulez-vous que Johnny réussisse un playback dans ces conditions? C'est pas possible. Il voulait chanter. Je me souviens d'ailleurs d'une émission à laquelle j'avais assisté. C'était après la sortie de l'album L'Attente. Johnny était dans Shabada avec Daniela Lombroso. Mm-hmm. Et Johnny s'était adressé au public avant la prestation en playback. Il avait dit, je suis vraiment désolé, je déteste chanter en playback, mais il avait expliqué pourquoi. Il avait dit, le studio dans lequel on enregistre n'a pas de bonne qualité sonore, donc si je chante en vrai, le son ne sera pas bon et ça sera une mauvaise présentation de la chanson pour le public alors qu'on est en promotion, donc je suis obligé de faire du playback. Et il avait l'air de s'ennuyer avec son micro à la main en train de faire la chanson. On était triste pour lui, franchement, de le voir là, du genre, mais je vais devoir faire ce truc en playback. Il était dégoûté. C'était assez drôle. Et puis, il avait forcément un peu raté son playback, comme toujours. Ouais, mais quand tu regardes les tops de Marité Gilbert Carpentier, la plupart du temps, il chante en live, c'est formidable. Mmh. Et de temps en temps, il se fait des playbacks. Mais c'est, il est décalé. Il est décalé, oui. Il n'y croit pas. Non. Il a envie de donner autre chose que la version qu'il a donnée en studio directement. À chaque fois, c'est une réinterprétation de chaque titre qu'il veut faire. Une nouvelle émotion, l'humeur aussi qui peut jouer aussi là-dedans, mais chaque fois c'est une nouvelle attention de chaque titre. Voici un extrait de Johnny Hallyday en répétition au Zénith en 1987. Les paroles, on peut parler de tout aujourd'hui dans du rock and roll, alors qu'à une certaine époque c'était au baby, c'était ma chérie, c'est moi, j'ai besoin de vous. 3, 2, 1, Il y a quelque chose en nous de Tennessee. Il y a quelque chose en nous de Tennessee. Je ne peux pas m'empêcher de faire une répétition sans chanter comme si c'était un spectacle devant 10 000, 12 000 ou 3 000 ou 5 000 personnes. Je ne peux pas m'en empêcher. Je chante avec les musiciens, je répète et c'est comme si c'était un spectacle. Et je crois que c'est ça la magie du spectacle. Et puis de toute façon, on apprend, on répète vraiment, on apprend qu'en faisant les choses comme si les gens étaient là. Il y a quelque chose en nous de Tennessee. Il y a marqué sur les affiches, Johnny se donne à Bercy. Je me donne déjà en répétition, je me suis ouvert une jambe hier soir, je me suis fait mal au rein hier soir, ce qui prouve que bon, oh. Mais Mais avant l'immense succès de Johnny Hallyday à Bercy en 1987, Jonis, en septembre 85, revenant de convalescence à la suite d'une autre opération de la hanche, se remet en scène avec quelques concerts à Neufchâtel-en-Bray, Cambrai, le concert de l'Humanité à la Courneuve et toujours à la Courneuve, le 13 octobre 1985, il participera au concert charité Chanteurs sans frontières, SOS Éthiopie. Revenons sur ce concert dans le journal télévisé d'Antenne 2. Cruel constat, les plus grands artistes français n'ont attiré hier au parc de la Courneuve que 20 000 personnes accompagnées de leurs enfants. La qualité du programme et l'emplacement permettaient d'espérer bien davantage au concert de Chanteurs sans frontières. Ce demi-échec peut être imputé au prix relativement élevé de la place, 120 francs, et à une publicité un peu tardive. D'une façon plus générale, les professionnels du show business mettent en cause la précipitation dans l'organisation. Ils souhaitaient même repousser la date du concert. Malheureusement, en France, on se prend toujours trop tard pour faire les choses. C'est toujours fait un petit peu en dépit du bon sens. Et je crois qu'il y aurait eu 100 000 personnes si ça avait été mieux préparé et si ça avait été préparé un petit peu plus à l'avance. Je crois qu'avec la notoriété de tous les chanteurs qui se sont donné la main pour cette journée et qui sont venus, qui se sont déplacés, il y en a beaucoup, je crois, qui étaient en tournée, qui ont pris des avions spéciaux. Je crois que c'était une fête qui aurait dû attirer beaucoup de monde. En tout cas, moi, je sais que quand on fait un spectacle, on prépare la publicité d'un lancement de spectacle 8 mois, 6 mois à l'avance. Là, c'était, je trouve, aberrant de faire un spectacle de cette envergure en annonçant ça, même pas 15 jours avant. De leur côté, les organisateurs pensent que tout a été fait pour rassembler un maximum de gens et ils regrettent un manque de mobilisation du public français en dépit du beau temps et d'une cause juste. Avec une recette de 2,5 millions de francs, on devrait tout juste couvrir les frais de l'opération. Le spectacle a été bon, mais on attend peu de bénéfices pour l'Éthiopie. Il est écrit dans tes yeux, quand tu parles de ta vie, c'est écrit dans tes rêves, dans tes moindres envies. Cette force qui te porte, j'en ai besoin aussi. C'est écrit quand tu danses, quand tu fermes les yeux, rien n'a plus d'importance, rien de ce qu'on avoue. Si c'est ton cœur qui bouge, c'est ton cœur qui fait tout. Je veux te voir changer. Dans tes mains, quand elles suivent ma voix, c'est écrit sur ta bouche, quand je vois ton sourire, comme tu peux partir loin, quand la musique est là. La musique est là. Je

venir ici. Chut, chut, chut. Un peu de silence. D'accord ? Merci, d'accord. Nos nerfs tiennent pour l'instant. Et on a encore j'ai pour remarqué, une de... J'ai remarqué que vous avez remarqué aussi, non ? Qu'il n'a pas de cravate. Pas de cravate. Et il est en polo. Oui. À ta demande. À ta demande. Oui, le micro ne marche pas, mais ça fait rien. Ça fait un quart d'heure que je dis qu'il marche pas, mais il marche toujours pas. Oui, oui, et je suis chez Branche. Non, j'avais demandé qu'il mette un t-shirt, il a pas osé, il a mis un polo. Bon, mais enfin, c'est pas grave, hein. C'est quand même pas mal. Ouais, ouais, ouais. La veste ? La veste ? Attendez, je vais faire comme le rocker, je vais la faire tourner comme ça. C'est le présentateur de télévision qui perd les pédales et qui lance sa veste au public croyant qu'il est devenu rocker. Bon, attendez, chut, chut, chut, un petit peu de silence. Johnny ne sait pas encore que l'année 1985 sera un tournant dans sa carrière. C'est une année, bon, il y a des années comme ça. Il y a des années où j'ai stagné un peu musicalement, où j'ai stagné un petit peu de style de musique. Bon, des années comme ça où c'est pas... où on est obligé de travailler, donc on fait des choses moins bien, on fait des choses bien. Je crois que l'année 85 est une année pour moi, en tout cas, de rencontre, puisque ça a été une rencontre pour moi avec Godard, et puis c'est une année de rencontre avec Michel Berger. Donc pour moi, c'est certainement l'année 85 est une année très importante pour moi. J'ai eu deux rencontres dans ma vie. Là, je parle pas seulement en tant que carrière artistique, je parle dans ma vie d'homme. C'est une année importante pour moi, en tant que rencontre. Et voici Johnny avec un peu de recul en 1994. Je crois que Michel s'était complètement mis dans moi, enfin à travers moi, pour écrire cet album. Et c'est drôle parce que Michel et moi, on est tellement différents. Nous sommes vraiment les deux extrêmes. Mais quelque part, ça a bien fonctionné, parce qu'il y a une espèce de tendresse entre nous et... une espèce de respect mutuel. Qui fait que les deux extrêmes se sont rencontrés et je pense qu'on fait quelque chose de bien. Pour moi, c'est l'album de Michel Berger, c'est le meilleur album que j'ai fait. Je crois que l'heure est venue de souhaiter à tous les auditeurs de passer de bonnes fêtes. De très bonnes fêtes à tous. Joyeux Noël, un bon début d'année. Et de leur dire qu'on va se retrouver très vite l'année prochaine sur les projets qui vont arriver. Et c'est probablement dès le mois de janvier prochain. Ben oui, oui, ça va aller vite. Ça va aller très très vite. Plein de surprises encore. Et un dossier que nous attendons aussi, c'est qu'est-ce qu'il y aura dans Insolitude ? Ah, le prochain livre disque. Le prochain livre disque, bien entendu. Merci Thibaut d'avoir participé à cette émission. Eh ben merci à toi Eric pour l'invitation et puis la bise à tous tes auditeurs. Ah ben voilà, c'est transmis, ça y est, il t'écoute. Bon Thibaut, salut, à bientôt. Ouais, salut Jean-François, à très vite. Soit dans le sud-ouest, soit à Paris. Ouais, fais-moi signe si tu viens. Ouais, d'accord. Et puis continue à faire des beaux livres sur le sport. Et puis on y a un projet sur lequel tu travailles dont on va reparler assez rapidement, je pense. Bon, mais salut les gars, merci beaucoup pour cette Thibaut. Super interview. Et puis à très vite. Ciao Thibaut. Merci, à plus tard. À plus tard, salut. Merci Jean-François. Merci à toi. Et salut à tout le monde. Et bonne fête à toi aussi. À bientôt à toutes et à tous. Ciao.